Alors, petit rappel de la semaine dernière, vous rappelez, Colossiens 1, l'introduction, Paul, écrit l'épître, et on verra dans le chapitre 2 aussi, pour contrer les fausses doctrines, inviter les membres de l'église de Colosse à marcher d'une manière sainte. Un petit résumé. Et avant de lire, je vous donne 4 axes pour vous calibrer sur ce que je veux dire. Il y a à peu près 4 réponses, et c'est la même réponse. Il répond chaque fois la même chose, Paul, à 4 problèmes qu'il voit dans ce chapitre-là, et lié aux Colossiens. Voilà, moi j'ai 7 réponses à vos 4 problèmes que je rencontre. Le premier, c'est la philosophie ambiante, vous verrez verset 8. Donc voilà, philosophie, c'est mysticisme, ésotérisme, on définira ce que c'est. C'est à peu près la même chose. La philosophie ambiante de l'époque, c'est pareil pour nous aussi aujourd'hui. Le légalisme, verset 16, verset 17. Faire ci et faire ça pour gagner son salut. L'ascétisme, alors c'est un drôle de mot, verset 23 et 20 à 23. Se contraindre, s'obliger à faire des choses, des religions où ils se font du mal, hein, pour mériter quelque chose. Toutes ces choses sont arrivées à Colosse. Et aussi, une chose qui est classique, c'est détrôner Christ. Ça veut dire, Christ n'est plus le médiateur, on l'a enlevé, ça on l'a vu la semaine dernière. C'est dans le verset 18, un autre intermédiaire. Dans le verset 18, on voit qu'apparemment, ils ont fait un culte des anges, avec des hiérarchies d'anges, machin, ils étaient plus forts que machin. Et puis, ils passaient par là pour aller à Dieu, ils avaient une connaissance. C'est plein de choses qui sont arrivées dans l'Église, incroyable. L'Église est née, puis il y a déjà des tas de trucs comme ça qui arrivent. Et c'est pas si loin de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, pour nous rapprocher de nous, un petit exemple. Celui qui trouve qui c'est, il lève la main. D'accord ? Je vais vous lire un truc. Et si vous savez de qui on parle, de quelle, allez, un indice de quelle religion on parle ou idéologie, vous levez la main. D'accord ? Une femme d'une des sectes les plus répandues. Bon, vous attendez d'être sûr, hein, parce que bon, hein, elle est facile. Ok. Le plus répandu, c'était répandu et infiltré dans le groupe d'études bibliques animé par une dame d'église dont j'étais le pasteur, pas moi. Hein. La sœur de notre assemblée s'est rapidement rendue compte qu'elle était à court d'arguments pour contrer l'intruse. J'avais donc été invité, donc il est pasteur, et me suis rapidement retrouvé confronté au pasteur de cette secte, bien qu'il ne s'attribue pas le titre de pasteur. L'une des choses que cet homme rejetait avec la plus ferme détermination était la divinité de Jésus-Christ. Nous avons alors commencé à passer en revue des nombreux textes de l'Écriture qui affirment que Christ est Dieu. Et avons abordé Colossiens 2, verset 9. Il s'appuyait sur la traduction de son mouvement religieux. Et voilà ce que ça donne. Regardez verset 9. Regardez chez nous. Et moi, je vais vous citer une traduction qui n'est peut-être pas souvent citée ici. Mais c'est très proche. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la qualité divine. Vous avez senti la subtilité ? Mais elle n'est pas assez subtile, en fait, dans cette traduction-là. Donc ce bonhomme, il s'est fait avoir. Et alors, qu'est-ce qu'il lui répond, le gars ? Eh bien, il lui pose une question. Et s'il vous plaît, dites-moi, dans ce texte, lequel des attributs divins ou des qualités divines, allez, on va dire ça, fait défaut à Jésus ? Qu'est-ce qui fait défaut à Jésus dans sa qualité divine ? Et le mec, il est coincé. Il ne sait pas quoi répondre. Pourquoi ? Parce que s'il répond, et c'est ce qu'il croit, que Jésus n'est pas éternel, hein, il n'est pas Dieu, il n'est pas éternel, il est juste un homme. Mais il est coincé, parce qu'il a toutes les qualités divines. Il est coincé. Alors quoi ? Et s'il répond, il n'a aucune des qualités divines, il est coincé, parce que c'est marqué. Il les a toutes. C'est contraire à ses croyances. Il ne peut pas distinguer Dieu de Jésus. Vous avez remarqué qui c'est ? C'est le témoin de Jéhovah. Ils ne disent pas que Jésus est un homme, ils disent que Jésus est un petit Dieu. Voilà, un petit Dieu, C'est très subtil, hein. Il va jamais vous dire oui, Jésus c'est qu'un homme, mais c'est exactement ce qu'il pense, enfin en tout cas ce qu'il vit. Ce n'est pas l'égal de Dieu, et c'est une toute petite chose qui change tout. C'était juste une approche de notre texte. Est-ce que quelqu'un veut lire ? Moi je me suis dit, quelqu'un va relever la main, puis je lui dirai, t'as gagné, tu pourrais lire le texte. Alors qui veut lire ? Peut-être il se lève et il le lit comme ouais, je viens. Moi, j'aurais beaucoup de choses à lire. Tout ? Ouais. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ouh, compliqué ça. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Merci. L'exercice pas facile, hein. Il y a plein de... On commence, versets 1 et 2. Vous vous rappelez, dimanche dernier, Paul prend son exemple à lui, et donc de son combat. C'est une église qui ne connaît pas de visu, hein. C'est pas lui qui l'a fondée. Mais il a un cœur pour eux, il leur dit, fin du chapitre 1, et il finit chapitre 2, vous avez vu, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, verset 1, qu'ils aient le cœur rempli de compassion, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Alors je me suis arrêté un tout petit peu là-dessus. Afin qu'ils soient unis dans l'amour, trois petits points, pourquoi ? Pour connaître Christ. Ah ! Je me suis dit, c'est ça, c'est intéressant. Je me suis dit, regardez-moi, comment, pourquoi parfois je suis essoufflé, pourquoi parfois une église peut être essoufflée ? Ben, il perd Christ. Et comment connaître Christ ? Eh ben, on a une solution, hein. Verset 2, unis dans l'amour. Intéressant. C'est une, comme une condition, un petit peu, qui n'est pas forcément logique tout de suite quand on la lit. Regardez Parole vivante, afin que leur cœur soit comme soudé ensemble par la puissance de l'amour. Jésus est la réponse. Quelle est votre question ? C'est vraiment toujours ça. Hein. On sait que c'est Christ qu'on a besoin. Mais parfois, ça passe aussi avec les uns et les autres. Parfois, ça passe aussi dans une communion qu'on a ensemble. Bien sûr, on a une communion avec Dieu. Mais si nos liens sont serrés, eh ben, on connaît aussi Christ de cette manière-là. Quel est ce mystère ? Vous avez vu, il y a des mystères. Hein. Mystère verset 2, mystère verset 3. Si vous vous rappelez, regardez chapitre 1, si vous avez ouvert vos Bibles, c'est dans les versets, je crois, 26 et 27. Mystère et mystère. Dans l'Ancien Testament, le mot apparaît une fois, c'est le prophète Daniel. Et il désigne ce qui est caché doit être révélé dans le plan de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est surtout repris dans les évangiles. Le mystère, c'est le mystère du royaume de Dieu. Vous vous rappelez, dans Marc, on en a parlé. Alors, le mystère du royaume de Dieu, c'est ceux qui comprennent l'évangile. Alors, c'est l'évangile qui leur a été révélé. Ils comprennent. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on comprend. Voilà, c'est un mystère pour ceux qui ne comprennent pas. Hein, ils regardent les disciples de Jésus, ils disent « Oh, c'est un mystère ». Mais aussi dans le sens, on ne comprend pas tout. Même aujourd'hui, on va parler de l'évangile, je ne comprends pas tout. C'est un mystère. Même s'il y a, heureusement, il y a plein de choses qu'on a dans la parole qu'on comprend. Mais, il peut être résumé en un seul mot, d'ailleurs c'est ce qui est fait. Hein, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc c'est Christ, en fait, qui résume cette pensée. Et effectivement, on ne connaîtra pas tout de Christ. Verset 4. Alors, à partir du verset 4, ce que Paul va nous dire dans la suite du texte, c'est vraiment destiné à confronter hein, les fausses doctrines. C'est vraiment destiné à ça. On voit, c'est marqué « discours séduisant ». C'est intéressant de voir que c'est les discours qui sont séduisants. C'est pas un mec qui est arrivé qui a dit « moi j'ai... » Bon, c'est probablement que c'est arrivé comme ça, avec différentes personnes, mais Paul pointe le doigt au discours. Ça, c'est important. Il vise pas le bonhomme. Donc, un faux évangile. On peut être responsable de ça. Et on n'est pas à l'abri, hein, Philippe l'avait dit la semaine dernière. Donc, l'importance de la parole de Dieu. C'est notre évangile. J'avance assez vite parce que le cœur, c'est verset 9, verset 10. Mais on va y revenir. On va revenir à pas mal de choses là-dedans. Verset 5. Voyant avec joie le bon ordre et la solidité. Je ne sais pas ce que vous avez, vous, dans votre traduction. La fermeté de votre foi. C'est des termes qui sont empruntés au vocabulaire militaire. Donc, Paul prépare les Colossiens à affronter. Ça va fighter, là. Ça va taper dedans. Donc là, il se prépare déjà à affronter la fausse doctrine. Et quand il se prépare à parler, c'est pas facile d'aller voir quelqu'un et de lui dire « j'ai deux ou trois choses à te dire ». Quand on est chrétien, comment est-ce qu'on va l'envoyer, ça ? Parce qu'il a des choses à dire graves, hein, Colosse. Eh bien, voilà comment il fait. Il dit, vous avez vu verset 5, il exprime sa reconnaissance. « Si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » C'est comme, on pourrait critiquer, on se dit, il leur passe un peu de la crème avant d'envoyer la sauce. Hein. On pourrait se dire ça... C'est une attitude peut-être qui parfois nous fait défaut. On se dit que les compliments, ça va enorgueillir mon frère, donc je préfère l'exhorter, c'est plus spirituel. On traite le fond, pas la forme, ça c'est pas important. Et parfois, ça grince. C'est pas l'attitude de Paul. Paul, c'est vrai, il vient très vite au fait de ce qu'il veut dire, mais il fait preuve d'amour. Il a un intérêt sincère. Et je crois que ça c'est important. Quand on a des choses à dire, Et c'est important d'aller voir son frère et de dire les choses, hein, parce que quand on ne dit pas les choses, alors ça, c'est vraiment pas bon. Mais c'est aussi important la manière, l'attitude. On dit, j'ai lu ça, qu'un compliment sincère est contrebalancé par au moins 10 critiques, toutes positives qu'elles soient. C'est dans le monde, ils ont fait des stats un peu comme ça. Si vous lisez les lettres de Paul, cette statistique-là, elle n'y est pas, c'est clair et net. Paul, il encourage. Paul, il a vraiment un amour sincère et il n'hésite pas à le dire, même s'il a des choses à dire. J'ai trouvé aussi cette expression que Dominique a rappelée, marcher en lui, très forte. Quelque part, Paul dit, si vous êtes chrétien, vous avez un jour reconnu votre incapacité à être heureux, à vivre d'une manière juste sans Dieu. Est-ce que vous vous rappelez le moment où vous êtes converti? J'aime bien me rappeler ce moment-là. On a accepté Christ, on a accepté que Christ a envoyé son Fils pour nous montrer comment vivre une vie juste. On était incapable de vivre notre vie. En tout cas, on a reconnu qu'on vivait de manière mauvaise, pécheresse. Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie parfaite pour nous réconcilier avec notre Créateur. C'est à partir de là que notre vie a changé. Que nos collègues se sont demandé, mais le gars là, il vit sur une autre planète. Vous vous souvenez de ce moment-là, vos collègues? Et pourtant, rien n'est venu de vous-même. Vous vous rappelez, vous êtes venu à Dieu, vous avez dit, ok, je laisse tomber, j'arrive pas, je suis incapable. Je demande pardon, et tout vient de lui. Et je crois que c'est exactement ce que Paul nous dit. On a cru à l'évangile, et quand on a accepté de laisser tomber sa vie, c'est celle de Dieu qui est venue et qui a commencé à changer. Rien vient de nous. Et Paul dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Marcher en lui, c'est juste après. Mais c'est exactement la même chose. Parole vivante dit, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui. Avec le, comme si le fil téléphonique n'était jamais coupé. Une question. Comment vérifier que je marche en Christ? Que je ne me suis pas endormi avec un ticket pour le ciel dans la main en me disant « Peut-être que ça va passer au guichet de l'éternité. » La réponse, c'est la fin de la phrase du verset 7. Ça vous paraît bizarre? Mais regardez la fin de la phrase du verset 7. On peut lire 6 et 7. « Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. » Qu'est-ce que ça vient faire là? Parole vivante dit, marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Je ne crois pas que c'est un ordre qui est cité par Paul par pur hasard en disant, bon, allez, une petite recommandation en plus. Non, je pense aussi que c'est une conséquence de ma vie en Christ. On en a déjà parlé. Je vous cite quelqu'un qui s'appelle Ray Stedman. Lorsque je marche en lui, ma vie s'exprime en gratitude ininterrompue. À écouter certains chrétiens, on peut se demander si dans leur Bible, les paroles de l'apôtre n'ont pas été modifiées en « abondez en murmures ». J'aime bien son humour, parce que c'est vrai, il parle de ce verset-là. Et Paul souligne le fait qu'on doit être reconnaissant. Mais ça découle de notre attachement à Christ, franchement. Si on est honnête dans notre cœur, ça peut que découler de ça. Hein. Surtout quand il arrache dehors et qu'il fait beau et qu'il fait moche comme ça. Non. En recevoir Christ, c'est le commencement. La suite, marcher en lui. Et on voit quatre aspects. Vous avez vu ces ordres? Marcher en lui, enraciner, fonder, affermir, abonder. Il y a plein de verbes. C'est un peu l'image d'une plante. Enraciner, fonder, c'est un peu l'image aussi d'une construction. Affermir. Toutes ces choses-là sont en lien avec Christ. Je crois que Philippe l'a très bien dit la semaine dernière. Christ, dans ce passage, le nom, il revient au moins 7 fois. Donc c'est vraiment, il est au cœur du passage. Et c'est le message de Paul. Notre vie en Christ. Et après, alors, il y a plein de choses qui découlent. Je vais vous lire un petit passage de Tozer que j'aime beaucoup. S'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu comporte l'effort d'amener notre personnalité entière à devenir conforme à la sienne. Je parle d'exalter Dieu de plein gré dans la position qui lui revient au-dessus de nous et de placer volontairement notre personne tout entière à la soumission. C'est lui le Créateur, nous sommes la créature. Lorsque nous décidons de persévérer dans notre résolution d'exalter Dieu par-dessus tout, nous découvrirons que nous sommes en désaccord avec les voies du monde. Et cela, de plus en plus, au fur et à mesure que nous progressons dans la foi. Nous aurons une vision nouvelle des choses, une psychologie nouvelle, on va en parler, et différente se formera en nous. Un pouvoir nouveau, une puissance, viendra nous surprendre par ses élans et ses effets. En un mot, c'est Christ, on va le voir. Je continue un peu. Notre rupture avec le monde sera le résultat direct de notre changement de relation. Qu'un homme, quel qu'il soit, soit mis à l'épreuve sur la question de savoir qui est au-dessus de toute chose, et on le mettra à découvert sa position réelle. On le force à faire un choix entre Dieu et l'argent, entre Dieu et les hommes, entre Dieu et l'ambition personnelle, entre Dieu et lui-même, entre Dieu et l'amour de quelqu'un. Et si Dieu prend à chaque fois la place du second rang, alors c'est qu'il n'a pas placé Jésus au-dessus de tout ça. Bien qu'il s'en défende, preuve en est au choix qu'il fait tous les jours. Et je crois aussi, c'est lorsqu'on est placé dans les épreuves que Dieu nous teste, où on doit être amené à dire « Exalté sois-tu, c'est toi qui vas régner sur ma vie. » Même si c'est difficile, tu vas apprendre ça. C'est vraiment une petite clé qui nous ouvre la porte de la vie en Christ. Attaché à Christ. Vous avez vu à quoi c'est rapproché. Marcher en lui, être enraciné, fondé en lui et affermi. Et là, il dit par quelque chose, par la foi. Ça aussi, c'est intéressant. Bon, on va pas prêcher sur chaque mot des versets qu'il y a, mais ça aussi, c'est intéressant. Parce que la foi passe par ce qui a été enseigné, et c'était le problème à Apollos. Qu'est-ce qui a été enseigné? Quelque chose de mauvais. Et je me suis dit, mais si tu comptes sur le dimanche matin pour avoir ton enseignement, eh ben, tu es au fast-food, hein, comme au McDo. Hein. C'est pas seulement ça qui va enseigner ta foi. Tu dois avoir une foi toi-même. Si tu comptes sur le dimanche matin pour être enseigné, tu vas avoir une foi très malade. Tu entends un message, tu le comprends à ta manière, forcément. Et dimanche après dimanche, tu fais ton propre évangile. Et ça, c'est dangereux. Parce que c'est à ma sauce. Travaille toi-même la parole. Attache-toi toi-même à Christ. Parole vivante dit verset 7, que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Belle image, hein. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde des prières de reconnaissance. Donc l'aboutissement de ce processus-là, c'est la reconnaissance et la joie. Et je crois, si vous voyez les chrétiens qu'il y a autour de vous, vous pouvez le constater. C'est vraiment ça qui ressort aussi, la reconnaissance et la joie. Quand vous croisez un chrétien sur un lieu de travail et un autre chrétien, généralement ça ressort quand il y a des difficultés. On prend verset 8. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Ben, on ne sait pas exactement trop de quoi Paul parle. Hein. C'est comme si Paul il disait, bon, il y a des soucis, il y a la philosophie, il y a machin, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, c'est comme s'il disait, c'est pas intéressant. Regardez ce qu'on a en Christ. C'est ça qui, par rapport à l'enseignement qui va contrer, quelque part, il met l'accent sur Christ parce que ça vaut tellement plus la peine de parler de Christ que de ce problème avec lequel il parle. Je crois avec le verset 8, on peut faire aussi le lien avec le verset 16. Regardez. Le verset 18. Prenez garde que personne, verset 8, verset 16, que personne donc ne vous juge, et même expression verset 18, que personne sous une apparence d'humilité. Je crois que c'est lié. Ça revient trois fois. Qu'est-ce que c'est ce truc qui parle, cette philosophie, tradition des hommes, principe élémentaire, ça revient plusieurs fois, hein, verset 20, principe élémentaire du monde. verset 22, les ordonnances et les doctrines des hommes. Bon, je pourrais vous parler des débuts du gnosticisme, mais ça ne va pas vous intéresser beaucoup. Par contre, j'aimerais vous parler de quelque chose qui vous concerne. Est-ce que vous pouvez bien distribuer ça, et puis vous en prenez une sur deux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant ce qui se passe là-bas, mais on a quand même 20 siècles d'histoire et, par rapport à ça. Et on va revenir un tout petit peu dans le temps pour voir c'est quoi aujourd'hui la philosophie actuelle. Un petit peu. Tu vois, vous arrivez à avoir une pour deux, ou alors peut-être une pour trois. Non, mais je pense peut-être une pour deux, ça ira, j'ai une douzaine de... Ah. Vous n'en avez pas au fond. Parce que c'est pas, c'est des mots faciles, hein, donc bon, Benoît, ça va, parce que là. Marie, c'est plus difficile. Ok, j'ai dit avec Marie. Hegel, 1910, 80, renverse la manière de penser en termes de thèse et d'antithèse. Vous savez ce que c'est? Tout simplement, une thèse, une chose est vraie, une antithèse, son contraire n'avait pas. Mais Hegel, lui, il introduit la confrontation entre la thèse et l'antithèse, et il dit on va faire une synthèse, on mélange les deux. Vous avez les petits symboles, le yin et le yang. Voilà, rien n'est plus d'absolu, plus rien n'est bien, plus rien n'est mal. Cette manière de penser, elle est arrivée jusqu'à nous. Et on continue avec Darwin, il a fait que poursuivre cette même idée, il a parlé du relativisme, il a abouti à la théorie du transformisme, de l'évolution, dit aujourd'hui. Jacques Monod, le hasard devient une nécessité qui remplace l'absolu, ou qui remplace Dieu. Le monde est imaginé comme totalement autonome, donc il est exclu, il est extérieur. Kierkegaard, je ne sais pas, existentialiste, abandonne d'éléments rationnels, donc il abandonne la raison. Et du coup, la foi chrétienne se soustrait à la raison, tout simplement dit, pour avoir la foi, on n'a pas besoin de comprendre quelque chose, pas besoin de raisonner, et puis on n'a pas besoin de savoir quelque chose. Donc, pour avoir la foi, tu fais un grand saut dans le vide, et puis t'as la foi. Donc c'est une pensée qui a fait une division entre la foi et la raison, chez l'homme moderne. La société occidentale a tourné donc ses regards vers l'irrationnel, ce qu'on ne peut pas expliquer, le mysticisme. L'Église n'a pas échappé à ce phénomène, car en basant sa foi sur l'expérience, c'est un grand danger d'abandonner les principes visibles de la foi. L'homme est devenu autonome, et se targue de cette indépendance dans toutes les sphères de la vie qu'il veut contrôler. La science, la technique, la sociologie, l'économie, la philosophie, la théologie. L'homme veut tout maîtriser et il s'en targue bien. Il se prend pour un dieu, il devient esclave de sa propre autonomie, et la criminalité, la violence, les menaces de guerre, etc. Tout ça, ça envahit notre société. Plus proche de nous, le monde est déchiré par l'humanisme, croire en l'homme, le nouvel islam, le mysticisme, d'autres idéologies. L'Église est imprégnée du siècle et subit l'influence du courant humaniste qui a séparé la raison de la foi. Or, le chrétien est appelé à communiquer la bonne nouvelle à ses contemporains. Nous sommes arrivés à un tournant, c'est pas moi qui dis ça, c'est Henri Duchesne, nous sommes arrivés à un tournant d'histoire. S'il n'y a pas de retour à la Bible, si nous persistons à séparer la raison de la foi, le christianisme sera relégué au niveau de l'irrationnel et les valeurs éthiques s'effondreront tout à fait. Il date un peu, je crois que là, on est au parfum, aujourd'hui. À l'instar de la réforme, à l'inverse, nous devons refuser l'autonomie de l'homme et nous soumettre au Seigneur de tous les domaines de notre vie et Christ souverain de l'univers tout entier. L'homme a été créé à l'image de Dieu, il est une entité inséparable, corps, âme et esprit. Sa chute a précipité dans le péché, la mort et la séparation avec Dieu, mais la rédemption accomplie par Jésus-Christ est le remède à cette misérable condition de l'homme. La croix et la résurrection sont devenus ainsi le point de mire de l'espace et du temps. Le christianisme peut tabler sur des faits. Nul besoin de faire un saut dans le vide. Laissant l'absurde, laissant le relativisme irrationnel, le vide, c'est un peu le vide, on va faire le vide, et puis il n'y a rien qui arrive. Eh bien, nous pouvons marcher, nous, avec assurance et paix dans l'absolu, Dieu, le rationnel, sa parole. Nous pouvons marcher à la suite de celui en qui nous avons tout pleinement. Et c'est le verset 9. Et le verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. J'ai hésité parce qu'il y a des mots compliqués, parce que... mais gardez-le, c'est intéressant. C'est pas exhaustif, hein, largement pas, mais... je crois on n'est vraiment pas à l'abri de tout ça dans l'Église, et je crois quand Paul parle de philosophie, de ces principes-là, mais pour nous, c'est clairement ça. Hein. On va relire le verset 8. J'ai pas relu bande. Veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi et ne fasse de vous ses prisonniers par une philosophie trompeuse et décevante. De tels enseignements s'inspirent de traditions de ce monde, toutes humaines, élémentaires, qui n'ont rien à voir avec le Christ. On a rigolé la semaine dernière parce qu'on discutait marketing à l'imprimerie et à un moment donné on disait qu'il faut supprimer les intermédiaires. Parce que vous savez, si vous, vous vendez un produit que vous avez déjà acheté ailleurs, bah, vous perdez de l'argent, hein, vous l'avez déjà acheté quelque part. Donc si vous le faites livrer directement, ah, vous allez gagner de l'argent, vous allez supprimer l'intermédiaire. Je pense que c'est exactement la même image que ces gens sont venus faire dans l'église de Colosse. Ils ont rajouté peut-être des intermédiaires, mais ils ont supprimé le seul médiateur. Ils ont supprimé Jésus-Christ. Je crois que c'est vraiment... Quand vous voyez toutes les philosophies qu'on a parlé, toutes les religions aussi, c'est vraiment ça. Chacun a son truc, son échelle pour accéder à Dieu, à son intermédiaire. Et puis, bon, Christ, oh, ça fait partie. Si vous êtes bouddhiste, ben, ouais, Jésus-Christ, c'est un bon gars. Si vous êtes musulman, pareil, c'est un bon prophète. Si vous êtes catholique, ouais, Jésus, c'est important. Hein. Bon, le pape aussi, Marie aussi, les saints aussi, mais Jésus, c'est important. Voilà. Si vous êtes juif, pareil, Jésus n'est pas Dieu. Ils ont remplacé l'intermédiaire, ils ont usurpé ça. On en parle, je pense, souvent. On a entendu parler d'ésotérisme, c'est difficile de savoir. Ésotérisme, c'est un peu... c'était à l'époque ça, en tout cas, mais je pense encore plus développé aujourd'hui, c'est des connaissances secrètes. C'est voilà, des initiés qui ont un savoir mystérieux. À l'époque, les premiers dans ce genre-là, c'était les juifs, en fait. Ils ont commencé à exorciser. Donc c'était une foi mystique juive qui a commencé là-dedans, dans l'Antiquité. Aujourd'hui, on pourrait dire, on revient à la nature. Si vous avez regardé le film Avatar, c'est exactement ça. La Terre-Mère, on va adorer la Terre-Mère. Oh, c'est notre, on revient à ça, adoration de la création. Ou alors on cherche le surnaturel. Les religions orientales, on fait le vide et on cherche, on ne sait pas. Et on peut même jusqu'à aller à l'alchimie. Il y a des gens qui sont alchimistes, hein, qui cherchent des trucs... mais c'est dans cette même sphère-là, des trucs qu'on ne contrôle pas, les extraterrestres. Je crois que Paul en parle. Et là, il a qu'une seule réponse. On est arrivé au verset 9 et verset 10. Ah, c'est bien. Je vais pouvoir prêcher un petit peu. J'aime beaucoup ces deux versets. On va les lire. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination » et de toute autorité. Ça, il faut les connaître par cœur. En tout cas, je vous encourage. Ça fait tellement de bien. Alors, j'ai gribouillé, moi, tous les termes en lui, avec lui, en lui. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Il y en a plein partout. Je peux pas... Et j'en ai trouvé 12. Donc 12 fois, ça c'est 11, mais 12 fois, il y a au moins 4 fois avec lui, et il y a donc presque 8 fois, ou 7 fois en lui. Ça va du verset 6 au verset 20. Le verset 9 et 10, c'est à peu près centré, en lui. Et aussi, il y a un terme, nous on a, dans la fin du verset 15, c'est « un triomphant d'elle, par la croix ». En anglais, c'est « un triomphant d'elle, en lui ». C'est marqué comme si c'est arrivé, hein. C'est marqué comme ça en anglais, « en lui ». Donc j'ai dit « allez, ça fait 12 ». Mais c'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça. En lui. En Dieu. je crois, moi j'ai, quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, moi je vais prendre ces deux versets-là et je vais prêcher pendant une heure. Puis, alors, là, c'est, bon, non, c'est pas possible, mais c'est la clé. Hein. En lui, contempler Dieu en lui, qu'est-ce que ça veut dire? Trouver tout en Dieu. Un petit passage qui peut nous aider. Cet auteur qui dit ça. La foi, c'est chercher Dieu, me tenir dans sa présence et le contempler avec les yeux de mon cœur. Vous êtes d'accord? Dieu a rendu la foi simple d'accès, mais Dieu l'a rendue vitale. Tout le monde peut avoir la foi, tout le monde peut se tenir dans la présence de Dieu. Alors voilà ce qu'il dit. Je suis heureux de dire que la vie que je décris est pour tout enfant de Dieu, sans distinction. C'est une vie que beaucoup de personnes qui travaillent dur tous les jours expérimentent joyeusement chaque jour. Cette vie-là, elle est à la portée de tous. Beaucoup de croyants ont trouvé le secret dont je parle. Sans attacher leur pensée à ce qui se passe en eux, ils mettent en pratique cette habitude de contempler Dieu. S'arrêter dans la journée, bon, c'est un grand mot, contempler Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une relation avec Dieu, c'est juste. Ils savent que leur cœur doit voir Dieu. Avoir la foi, c'est notre cœur qui voit Dieu. Parce qu'on peut prier hein, avec nos mots, on dit oh, Seigneur, et puis il y en a qui le font, hein, qui récitent et qui récitent, mais le cœur n'est pas là. Hein. La foi, c'est le cœur, c'est comme quand on s'est converti, hein, on ne pouvait pas faire semblant. Hein. On a dit Seigneur, moi je crois hein, avec le cœur. C'est ce qu'on a besoin chaque jour. Parce que leur attention se relâche un instant pour le travail nécessaire, c'est pour de nouveau s'envoler immédiatement vers Dieu. Ils gardent la communion. C'est le témoignage d'un grand nombre de chrétiens. Un si grand nombre qu'en affirmant cela, j'ai l'impression de faire des citations. Quant à savoir qui et combien de personnes je cite, je ne puis le dire. Il écrit bientôt vers. Tout chrétien devrait consacrer du temps à la prière personnelle. Des moments de méditation de la Bible vont purifier notre contemplation et vont la diriger. Aller au culte, ça va élargir notre horizon. Ça va augmenter notre amour pour les autres. Culte, travail, activité, tout cela est bon. Chaque chrétien devrait s'engager. Toutefois, à la base de ces bonnes pratiques, il y aura l'habitude intérieure de contempler Dieu, donnant à toutes les autres choses sa vraie signification. C'est comme si on avait changé nos yeux. On voit quelque chose que les autres autour de nous ne voient pas. Vous avez déjà remarqué ça? Un non-chrétien, il prend la parole de Dieu, souvent il ne comprend pas. Il dit, mais je ne comprends pas ce que tu vis, ce que tu vois, toi. Ben, il y en a quelque chose qui a changé. Hein. On a notre cœur qui voit Dieu. Je prends la... Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire là. On a besoin de se rappeler l'importance, qu'importe le matin, le midi ou le soir, mais régulièrement, de se placer devant Dieu. Quelque part, notre vie, c'est ça. Notre vie chrétienne, elle a changé, c'est ça. C'est vraiment apprendre à connaître Dieu. Vous connaissez Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est notre raison d'être. Ici-bas, c'est de vivre en lui. C'est notre espérance. En grec, c'est marqué, quand c'est marqué, vous avez tout pleinement en lui, j'ai trouvé que c'était marqué comme si vous êtes tout accompli en lui. Vous êtes entier en lui. C'est pour ça qu'on a été créé. Sans lui, il nous manque quelque chose. On peut voir dans le monde, hein, beaucoup de gens, ils aspirent à plein de choses, ils font entendre des trucs, et puis on se retrouve à côté de... confronté à la mort ou confronté à ce qui arrive après, et puis c'est vide, il manque quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ma vie sur terre, c'est connaître Dieu, avoir une relation avec lui. C'est la chose la plus simple, hein, mais c'est la chose la plus importante. Voilà. Bah, on ne pourra pas s'arrêter là, hein, j'arrête pas là, mais verset 9, verset 10, on a tout pleinement en Dieu. On doit abandonner notre vie à Dieu, on l'a vu, se soumettre totalement à lui. Si vous connaissez un peu le bouddhisme, c'est vraiment l'inverse. On se détend et puis on fait le vide de soi. C'est pas une blague, hein, les grands maîtres, ils en arrivent à... Il n'y a plus rien. Et après, il n'y a toujours rien. Et puis voilà, on finit comme ça. C'est triste. Nous, c'est exactement l'inverse. Bien sûr, il faut qu'on soit vidé de nous-mêmes. Il faut qu'on soit d'accord que ma vie, je suis mort avec Christ. Mais c'est Christ qui vient vivre en nous. Si on n'a pas le Christ en nous, on n'a rien. Je crois si on ne comprend pas ces deux textes-là, si ça ne nous touche plus trop de dire « Ouais, on a tout pleinement Christ, ok, j'ai entendu ça. » Alors ok, prends l'inverse. Sans Christ, tu n'as rien. Tu es d'accord avec moi? Il n'y a plus rien. On a tout pleinement en lui. En dehors de Christ, rien. Regarde les infos, regarde la télé. On a du mal à voir l'espérance souvent. Hein. Des gens mécontents, des guerres, des arnaques. Des résultats sportifs, mais des gens qui sont quand même insatisfaits. Jamais contents. Manœuvres politiques, gouvernements corrompus. Même des gouvernements qu'on estime beaucoup corrompus, qui ont des problèmes, qui ne sont pas exemplaires. L'imperfection est évidente. L'imperfection de la vie en dehors de Christ, elle est frappante. En Christ, on a tout. Hein. Alors, fin du verset 10, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et le tout pouvoir. Je parle de Christ. Donc, si on se détourne de Christ pour s'attacher à quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre, on va au désastre. Alors, qu'est-ce que c'est toute principauté et tout pouvoir? Eh bien, si ce n'est pas le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir du diable. Hein. C'est les démons. C'est la puissance du mal. Paul, quand il parle de ça, il a encore en tête la fausse doctrine. Il montre que les démons qui agissent dans le monde spirituel, on a parlé aussi, mysticisme, ésotérisme, c'est passé en risque. Ce monde spirituel est une réalité dans la Bible. Et on voit qu'il est déjà condamné. Son temps est compté. On peut lire versets 11 à 15. Vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, qui consiste dans le dépouillement du corps, verset 12. Vous avez été ensevelis par le baptême, c'est comme une mort. Vous êtes aussi ressuscité avec lui par la foi en Dieu, qu'il a ressuscité des morts, verset 13. Vous étiez mort par vos offenses. Il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est comme si notre vie était sur un papier. Il l'a effacé, il l'a éliminé, mais pas comme ça, ça lui a coûté, en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, on vient d'en parler, il les a dépouillés, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, à la croix. C'est comme s'il avait amené les démons et le diable à la croix. Et ils y étaient, hein, croyez-moi. Quand vous lisez Genèse 3, il s'est marqué que le serpent, elle lui marchera sur la tête et lui mordra le talon. On voit aussi ça. Hein. Le diable était là à la croix. Il ne pouvait rien faire. Il redoutait tellement ça. Hein. Et ben, il a donné sa vie. Et voilà. Ça n'est fini de nous. Publiquement. C'est l'évangile. Hein. Je ne veux pas... Ça, c'est vraiment l'évangile, hein, en quelques versets. Nos péchés sont pardonnés parce que nous revenons à Christ et seulement Christ. Et Jésus lui-même va établir sa demeure en nous, il va nous revêtir de la puissance. On a déjà vu ça, le principe du baptême. Je reconnais que devant Dieu, qui est parfait, la seule chose que je mérite, c'est la mort, à cause de ma nature mauvaise. Verset 13, on voit ça. Et ensuite, lorsque j'accepte que Christ a payé ma dette, parole vivante dit... Il a effacé l'acte aux mille articles. C'est un peu le sens original du terme. Aux articles innombrables. Ça veut dire qu'il doit y avoir une belle liste. Dieu tient les comptes. Mais il l'a cloué à la croix. Et ces actes qui nous accusaient, qui mentionnaient tous nos manquements à la loi parfaite de Dieu, qu'on a transgressé, il l'a annulé, il l'a cloué sur la croix. Il a triomphé des autorités spirituelles, démoniaques, par la croix. En version anglaise, c'est « Il a triomphé d'elle en lui ». J'aime bien cette expression-là. C'est l'évangile. Verset 16, Paul, il persiste et il signe, il en remet une couche. Il reprend le combat contre les philosophies. « Que personne !» Verset 16. « Que personne !» Verset 18. L'expression qui est utilisée parfois, c'est « Ne vous laissez pas condamner, ne vous laissez pas avoir. » Je crois que c'est marqué verset 18. Que personne ne vous ravisse. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Vous imaginez, vous êtes en tête, vous arrivez à la ligne, vous passez la ligne, vous êtes le premier, vous prenez la coupe, puis il y en a un qui vous a chopé. Et c'est exactement ça quand on se fait avoir par les choses du monde, les philosophies, tout ce que le monde veut nous attraper. On a tout en Christ, et puis hop, on n'a plus la joie, on n'a plus rien. On n'a plus notre relation avec Dieu. On sent un vide énorme. On ne se rend pas compte que quelqu'un est venu attraper. Comment reconnaître quelque chose qui m'entraîne loin de Christ? Vous prenez verset 19, on a bien avancé. Qu'est-ce qui est marqué verset 19? Bah, le gars qui voue des cultes aux anges, etc., il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Verset 19, sans s'attacher au chef. C'est intéressant, c'est l'inverse. Avant, il dit aux chrétiens, attachez-vous à Christ, il dit, ben celui-là, il ne s'attache pas à Christ. Donc, comment reconnaître quelque chose qui m'entraîne loin de Christ? Ben, c'est quelque chose qui me pousse à me décrocher de Christ. Malgré toutes les bonnes raisons du monde, on peut avoir des bonnes raisons, hein, dans la famille, dans le travail, dans la société, etc. Malgré toutes les bonnes raisons qu'on peut avoir, on le sent. Ça m'a enlevé la joie, ça m'a déconnecté de Dieu, ça m'a coupé ma relation avec Dieu. C'est un piège. C'est un piège et c'est grave de conséquences. Regardez verset 17. Verset 17, Paul explique, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. L'ombre et la réalité. Il y en a qui ont le mot réalité. Je crois que c'est une bonne illustration. Lorsque vous avez quelque chose qui est vrai, une réalité, imaginez, ben, c'est Christ hein, qui est là, et vous voyez son ombre. Alors, qu'est-ce qui est le plus vrai? C'est l'ombre ou c'est le corps du Christ? C'est le corps hein, qui est la réalité. L'ombre, ce n'est pas pareil. Je crois qu'il fait la même. Je pense que c'est une bonne illustration pour faire entre les. Je sais pas, les religions ou les rites, des choses à faire, la loi qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Jésus-Christ a tout fait, hein. Jésus-Christ était déjà là, même dans l'Ancien Testament, hein. Mais on voyait que l'ombre. Et puis là, il y a des juifs qui viennent et puis ils disent aux Colossiens, hey, il faut obéir hein, à l'ombre. Et c'est l'ombre qu'on doit obéir. Et Paul il dit, non, moi c'est à Christ que je veux obéir. L'ombre, je rêve. Donc c'était pour amener à Christ. Vous trompez. On ne doit pas faire l'erreur. Je crois que c'est exactement pareil pour nous. Si on s'attache à des symboles, oh, on va pas manger ça, on va faire attention à tel jour, je ne sais pas tout ce qu'on peut inventer. Hein. Bah, c'est un piège. Parce qu'on évite, on parle de l'ombre, des choses qui sont dans l'ombre, alors que Christ est là. On se trompe. On se trompe de réalité. Et je crois que le monde aujourd'hui, il excelle dans ça. C'est nous tromper. Il déguise toutes ces ombres en des réalités. Et on ne sait plus. On arrive peu et on décroche très facilement de Christ parce que ah, et, ben, moi je pensais, hein, c'était là. Hein, je pensais. Hein. On croit qu'il y a un truc qui est indispensable pour nos vies. Et puis on se soumet à elle et après on réalise qu'on était décroché. Je crois on arrive au verset 20. Il résume un petit peu cette situation. Paul, il dit si vous êtes mort avec le Christ, à tout ça, aux principes élémentaires du monde, etc. Alors pourquoi vous vous laissez attraper? Vous êtes mort à tout ça. Pourquoi vous vous laissez attraper? C'est ce qui nous dit Paul. Toutes les choses qui nous trompent, elles ont déjà pris fin avec le Christ, en théorie. Vous êtes mort à tout ça. Ah, on est mort à tout ça, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de vivre tous les jours. Quand on passe avec des affiches partout, qu'on n'a pas envie de regarder, c'est pas facile. On a plein d'exemples dans notre vie où franchement, vivre d'une manière comme sainte, ou en tout cas d'une manière pour suivre Jésus, c'est vraiment pas facile. Et pourtant, Paul nous rappelle, vous êtes mort à tout ça. Vous ne vous rappelez pas? Vous étiez baptisé en plongé dans l'eau, vous êtes mort à tout ça. Vivez avec Christ. Oubliez-vous, vivez avec Jésus. Un petit exemple, prenez quelqu'un qui apparemment a des problèmes d'estime de soi, d'acceptation de soi, il veut trouver une identité. Donc s'il regarde les magazines, People, s'il écoute la télé, il écoute la radio et il fonde sa vie un peu là-dessus, eh ben il a du boulot. Son image, alors il y a plein d'articles qui disent ben, il faut faire ça, il faut manger ça, il faut pas, il faut faire tel traitement, il faut faire attention à ça, il faut faire tel exercice, je ne sais pas tout ce qu'on invente pour se sentir bien, pour obéir à tout ça. Mais il est mal barré, hein. Et le pire, c'est qu'à la fin, il n'a pas réglé les problèmes de fond. Il n'a toujours aucune estime de soi, il a toujours des problèmes à s'accepter lui-même, il n'a pas d'identité, il cherche un sens à sa vie. Vous pouvez vivre dans un monastère et avoir des pensées obscènes. C'est exactement la même chose. ça sert à rien. Vous pouvez être sur une île déserte, sans personne, et vous avez des pensées de convoitise. Pourtant, il n'y a rien à piquer, hein. Et vous avez des pensées de punaise, et si j'étais moi comme un mec, comme ça, et j'avais ça, hein. Pas besoin d'avoir les choses devant les yeux, alors je vous dis pas quand on les a. La solution, c'est Christ. On est d'accord. On y revient tout le temps. De toute façon, c'est la seule réponse que Paul propose de Colossiens. Christ. Tout est en Christ. Cherchez pas ailleurs. Tout est là. Tout pleinement en Christ. Conclusion. Ça va pour vous? Ouais. Alors, je vous réveille un petit peu. Dans le chapitre 2, on a vu que Paul, après avoir cité l'exemple de sa vie, c'était les premiers versets, il s'est attaqué à quatre choses et il a proposé une seule réponse. Vous la connaissez. Face à la philosophie ambiante, verset 8, mysticisme, ésotérisme, Paul a une réponse. Christ. L'union, la communion avec lui. Face à toutes ces choses-là qui nous dévient, une clé, une seule réponse, la communion avec Dieu. Chaque jour, par les formes que tu souhaites, lis un texte, prie, chante, j'en sais rien. Trouve quelque chose, hein. Peut-être c'est un lieu qui te convient. Le samedi, le matin à 7h, tu te lèves, tu vas dans ton coin là, tu dis, oh, et voilà, ton cœur a accès à Dieu. Trouve quelque chose. Mais n'oublie pas, c'est ta vie. Hein. Demain, si tu meurs, c'est ce qui va te rester. C'est Christ. Commence maintenant. Une réponse face au légalisme. Vous avez vu verset 7, mange pas ça, c'est facile. C'est aussi le légalisme, c'est aussi on fait des bonnes actions. Hein. Un bon catholique, je ne dis pas que certains ne connaissent pas Christ, hein, mais souvent, ben, on va brûler un cierge, on fait des choses, et puis on espère. Un bon musulman, il espère peut-être. Et un légalisme, c'est aussi imposer des choses, en plus, des choses qui étaient dans l'ombre, hein, des symboles. Mais c'est Christ, la réponse. La loi, l'ombre des choses à venir. Nous, on veut la réalité. On veut Christ. Pas besoin d'autre chose. Rien d'ailleurs. Tout en Christ. L'ascétisme, vous vous souvenez, croire qu'en s'humiliant, en se disciplinant, en s'obligeant à vivre des choses peut-être qui ne sont pas faciles. La discipline n'est pas mauvaise. La discipline est faite pour quoi? Et les juifs aussi ont attaqué Paul là-dessus, et Paul donne sa réponse, du verset 20 au verset 23. Nous sommes morts à tout ça. Vous leur ajoutez quoi? Nous sommes morts à tout ça. On n'a plus rien à voir avec tout ça. S'il vous plaît. Christ, c'est notre vie. Nous, on appartient, on est morts. Bon, c'est facile à dire, hein. Mais c'est le but. Nous sommes ressuscités avec Christ, on veut lui obéir. Et la dernière chose, c'est, on a vu, on a commencé par ça, avec l'exemple du témoin de Jéhovah ou plein d'autres, ils s'attaquent pour détrôner le Christ, qui est le seul médiateur. Et donc, Paul a une réponse, bien sûr. On l'a vu, verset 19, eh ben, si tu ne t'attaches pas au chef, à Christ, tu es perdu là-dedans. La réponse, c'est de nouveau Christ. En lui habite toute la plénitude de la divinité. C'est ce que ce pasteur a répondu à cette dame. Je dis, mais voilà, c'est le seul médiateur. C'est le seul qui peut. C'est lui le boss. C'est lui le seul qui peut nous donner toute plénitude en Dieu. Le but de toute religion, le but de toute secte, toute philosophie trompeuse vise à une seule chose, essayer de réduire l'importance de Christ, relativiser. Christ est la clé et le monde qui est autour de nous. Et l'ennemi qui est autour de nous ne se trompe pas. Il va frapper chez nous dans notre vie, à une porte, dès notre conversion, dès notre baptême, notre relation avec Dieu et Christ. Si tu doutes de Christ, tu es râpé. Si nous mettons en pratique, j'ai fini, si nous mettons en pratique ça, bien sûr, si nous vivons en nous battant à tout prix pour maintenir notre relation avec Christ, et j'espère que je t'ai encouragé à ça ce matin, bats-toi pour ta relation avec Christ, bats-toi pour lire sa parole, bats-toi pour avoir une vie de prière, si tu te bats aussi pour avoir un amour, et un amour sincère pour les relations entre chrétiens, alors on recevra la puissance par le Saint-Esprit, pour vivre une vie que nos contemporains nous trouvent des fois un peu surnaturelle, mais une vie qui donne envie, ça c'est clair, une vie qui est contagieuse. Alors je te laisse une question, qu'est-ce qui prédomine dans ta vie? Est-ce que Christ prédomine dans ta vie? C'est la question de ce passage. Et une autre, qu'est-ce qui nourrit Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui nourrit la puissance de ta vie? Est-ce que c'est Christ? C'est Christ hein, seulement qui peut nous donner la force de vivre même plus que les 10 commandements, d'aimer notre ennemi, de faire des trucs que les gens disent, mais attends, c'est en Christ. Christ suffit et on a tout pleinement en nous. Voilà. Merci Nicolas. Très bien, donc on rappelle que si la semaine dernière à l'équilibre, on a bien vu qu'à travers cette épître de Paul, Paul recentre Jésus dans son vrai rôle. Aujourd'hui, Nicolas nous a redit à quel point il nous fallait nous attacher à Jésus-Christ. Et donc, la semaine prochaine, avec Stéphane, c'est bien ça, donc on verra un petit peu ce qu'il y a de plus en conclusion ici Nicolas, si on recherche l'identité, si on veut donner du sens à sa vie, une solution, Jésus-Christ. On verra avec Stéphane la semaine prochaine, le chapitre 3, la vie nouvelle. Très bien, merci Nicolas. Françoise, as-tu un chant à nous proposer? Non? Quelqu'un aurait pris un chant pour clore? Pardon? 46 dans les bleus. 46 dans les bleus.